Chapitre 3. Un point d'interrogation. L'homme de Scotland Yard venait tout juste de remettre au chasseur son chapeau, son pardessus et son parapluie, et il se dirigeait vers la porte de la salle à manger. Déruchette, en dévisageant Lagnard, son coup d'œil parut dénué de toute expression particulière, et si l'objet de ce coup d'œil eut besoin à ce moment de tout son sang-froid, ce fut pour cacher non son inquiétude, mais son soulagement. Le caractère fortuit de cette rencontre était trop net pour qu'elle justifiât de nouvelles craintes. Puisque 10 minutes plus tôt, l'aventurier lui-même ignorait encore qu'il viendrait chez Troyon, Roddy ne pouvait assurément l'avoir deviné. Donc, quelle que fût la mission du détective, elle n'avait rien à voir avec Lagnard. De plus, avant de quitter le vestibule, Roddy s'arrêta pour dire au chasseur de lui faire préparer du feu dans sa chambre. Ainsi donc, il logeait à l'hôtel Troyon, et peu lui importait que tout le monde le sût. Ses doutes entièrement dissipés par cet incident, Lagnard suivit dans la salle à manger son ennemi naturel, avec un air aussi désinvolte que possible, et tellement imposant que le maître d'hôtel abandonna le détective aux soins de l'un de ses seconds et s'empressa d'aller lui-même placer Lagnard et prendre ses ordres. Ces derniers donnés, Lagnard se livra à de nouvelles impressions, dont les premières s'avéraient un peu déconcertantes. Malgré l'impulsivité de son désir, ce n'était pas sans intention définie qu'il avait resongé à la maison Troyon. Il comptait y obtenir quelque indice, aussi mince fut-il, concernant le mystère qui entourait l'origine de ce malheureux enfant, Marcel. Et à cette heure, il comprit qu'il avait trop tardé. Avec le temps, les changements n'avaient guère laissé que l'écorce du Troyon de ses souvenirs. Madame n'occupait plus le bureau de la caisse, et grâce à des questions si discrètement posées qu'elle ne pouvait le compromettre, Lagnard apprit du maître d'hôtel que la maison avait changé de direction depuis 18 mois. L'ancien propriétaire était mort, et sa veuve avait vendu l'établissement pour se retirer à la campagne, on ne savait pas où au juste. Et avec la nouvelle administration, était venu un décor et un mobilier neuf, aussi bien qu'un renouvellement complet du personnel. Il ne restait même pas un seul des anciens garçons. Lagnard se rappela le vers bien connu. Tous s'en sont allés, les visages familiers d'autrefois. Mais il ajouta, avec une mélancolie vengeresse, que le diable les emporte. Par bonheur, il expérimenta bientôt que la cuisine méritait toujours son ancien renom d'excellence. C'était du moins une compensation. D'autres impressions, moins intimes, s'avérèrent singulièrement déconcertantes et paradoxalement rassurantes. Lagnard pouvait surveiller commodément Roddy, placé en face de lui de l'autre côté de la salle. Le détective avait commandé un repas bien en rapport avec sa mine, l'un et l'autre d'une parfaite banalité britannique. C'était un personnage trapu, à la mâchoire carrée, aux yeux d'un bleu froid, au nez épais, à la bouche en tirelire, à la face aussi rouge qu'un beefsteak saignant. Son dîner comprenait une entrecôte, des pommes de terre à l'eau, des choux de Bruxelles, un morceau de fromage, une bouteille de stout. Il mangeait lentement, mâchait avec l'acharnement d'un fort appétit retenu par un mauvais estomac, et tout en mangeant, il tenait les yeux attachés sur un numéro de l'édition parisienne du Daily Mail, avec une affectation d'intérêt presque trop bien jouée. On ne lit pas l'édition parisienne du Daily Mail avec une attention soutenue. Humainement parlant, c'est impossible. Où donc était l'objet de cette curiosité si soigneusement dissimulée? Lagnard ne fut pas long à déchiffrer cette énigme de façon satisfaisante, autant moins qu'il était satisfaisant pour lui d'être encore plus certain que la mission de Roddy s'appliquait à quelqu'un d'autre. En dépit de l'heure tardive, car il était alors près de 10 heures, une douzaine de tables du restaurant se trouvaient occupées par des convives, en train de prolonger agréablement leur soirée avec dessert, café, liqueurs et cigarettes. La majorité de ses clients étaient des couples, mais à une table voisine de Roddy, on voyait une société de 3 personnes. Et Lagnard remarqua, ou s'imagina, que l'homme de Scotland Yard ne tournait son journal que durant les silences de la conversation de ces gens-là. Des 3 convives, l'un pouvait passer pour un Américain riche et posé. Il marquait un peu plus de 60 ans, et possédait un accent atroce, une toux déchirante et une figure patricienne aux traits assemblés par le reflet d'une âme tourmentée, un masque plissé, creusé, crispé, décelant une inquiétude mortelle. une fois même, quand cet homme leva les yeux et rencontra par hasard ceux de Lagnard, l'aventurier fut troublé de sentir ce regard se perdre dans des yeux pareils à ceux d'un mort. Ils étaient d'un gris si clair qu'à quelque distance, leur iris se confondait avec leur blanc et ne laissait de visible que les points noirs des pupilles, anormalement dilatées et dardant un regard vide, fixe, impassible, entre des paupières dépourvues de cils. Durant un instant, ils parurent sonder Lagnard jusqu'à l'âme, avec une curiosité lointaine et impersonnelle. Puis, ils s'abaissèrent. Et lorsqu'un peu plus tard l'aventurier le regarda de nouveau, l'homme s'était détourné pour écouter ce que lui disait l'un de ses compagnons. À sa droite se tenait une demoiselle qui devait être sa fille, car non seulement elle offrait elle aussi le type américain, mais elle était beaucoup trop jeune pour être la femme de l'autre. Cette jeune personne, discrète à la mode ancienne, assurée mais sans prétention, vêtue avec convenance et avec un goût assez personnel sans excentricité, possédait une souple chevelure brune et de doux yeux bruns. Médiocrement jolie, lorsque son visage était au repos, son sourire alangui la rendait belle. Bref, pensa Lagnard, le genre de femme prédestinée à consoler l'humanité et dont le plus fort instinct est l'instinct maternel. Elle prenait peu de part à la conversation et n'interrompait que rarement, ce qui était en fait un monologue entre son père supposé et la troisième personne de leur société. En ce dernier, bien qu'il ne pût le reconnaître que de dos, Lagnard était sûr de reconnaître Monsieur le Comte Rémy de Morbihan. Et il se demandait avec un frisson de plaisir s'il était possible que Rodi fût sur la piste de ce terrible bandit. Dans ce cas, ce serait une chasse digne d'être vue, un divertissement rendu plus savoureux encore par sa nouveauté pour Lagnard, qui, par exception, y assistait en témoin désintéressé. Bien qu'il ne figurât point dans l'almanach du Gotha, le nom du comte de Rémy de Morbihan n'en possédait pas moins de prestige dans le Paris de l'époque. Il se tardait de descendre de la plus ancienne famille de France et d'être l'homme le plus riche et le plus adulé. Quant à ses façons, bonnes ou mauvaises, elles passaient pour irrésistibles auprès des femmes, tandis qu'un certain nombre d'hommes, pour cette raison peut-être, faisaient à leurs possesseurs l'honneur de les imiter. Les revues le chansonnaient, Sem l'avait caricaturé, sa charge revenait fréquemment sous le crayon de Forain dans cette inimitable série de dessins que donnait le Figaro le lundi. L'on disait de Morbihan d'instinct à la vue de cette silhouette trapue, courte et large, surmontée d'une figure lunaire, à moustache cirée, aux yeux efféminés et au sourire stéréotypé. Ce personnage, d'une amabilité proverbiale et d'un entrain inépuisable, devait sa popularité singulière à l'engouement aussi singulier dont il s'était épris pour la toquade gauloise dernier cri, le sport. Il traitait en enfant gâté l'équipe du rugby parisien. Il était membre actif du tennis club, entretenait non seulement une collection d'autos, mais une écurie de courses fameuses. Chassé à court, tirait au fusil comme pas un, patronnait l'aviation et les régates de canots automobiles, risquait durant la saison à Monte-Carlo autant de maximum que le grand-duc Michel en personne, et était toujours prêt à croiser l'épée ou à brûler quelques amorces inoffensives de bon matin dans le Parc des Princes. Mais il courait de vilains bruits concernant l'origine de sa fabuleuse richesse. Lagnard, entre autres, n'aurait jamais vu en lui la meilleure société ou le meilleur cicérone parisien pour un Américain valétudinaire doué d'une fortune solide et d'une fille attrayante. Paris, d'autre part, Paris qui excuse n'importe quoi chez quiconque contribue à son amusement, Paris adorait le comte Rémy de Morbihan. Mais peut-être Lagnard se laissait-il influencer par sa partialité envers les Américains, sentiment qui lui restait des années vécues à New York avec Bourke. Il se figurait même qu'entre son esprit et le leur existait un lien de subtile sympathie. À tout prendre, qui sait s'il n'était pas lui-même américain? Durant un bon moment, Lagnard s'efforça de saisir quelque chose de la conversation qui semblait offrir tant d'intérêt pour Rodi, mais ce fut sans succès, à cause de la rumeur des voix qui emplissait la salle. Mais à la longue, l'assistance s'éclaircit un peu, si bien que pour finir, il ne resta plus que cette société de trois personnes, Lagnard savourant une salade exquise, et Rodi fumant un cigare, avec une si évidente satisfaction que Lagnard le soupçonna de pêcher de contrebande, et ingurgitant à petits coups une seconde bouteille de stout. Dans ces conditions, les propos échangés entre de Morbihan et les Américains devenaient du domaine public. La première remarque perçue par Lagnard venait de l'Américain âgé. Après un silence, celui-ci consulta sa montre et annonça. « 11h15. »« Nous avons tout le temps, » répliqua gaiement de Morbihan. « C'est-à-dire, » ajouta-t-il, « si mademoiselle ne s'ennuie pas. » La réponse de la jeune fille, accompagnée d'une légère inclination de tête vers le français, se perdit dans les accents du premier interlocuteur, une voix forte et sonore qui contrastait singulièrement avec sa mine délabrée et sa toux déchirante. « Que cela ne vous tracasse pas, » fit-il avec bonhomie. « Lucien a l'habitude de veiller tard avec moi. Et puis a-t-on jamais entendu dire qu'une jeune et jolie demoiselle s'ennuya le troisième jour de sa visite à Paris ?» Il prononça le nom de la jeune fille à l'italienne, comme s'il s'écrivait Lucia. « Bien sûr, » ricana le français, « on peut croire qu'il se passera du temps avant que mademoiselle cesse de s'intéresser à la rue de la Paix. »« Cela se comprend, » répondit la jeune fille, « quand on en rapporte d'aussi jolies choses. Voyez ce que nous y avons trouvé aujourd'hui. » Elle fit glisser de son doigt une bague et la passa à de Morbihan. Il y eut un instant de silence, puis le français s'écria. « Mais c'est splendide ! Agréez, mademoiselle, mes félicitations. Elle est digne de vous. » Elle rougit gracieusement et lui répondit par un sourire flatté. « Ah, vous autres Américains !» soupira de Morbihan. « Vous nous remplissez d'envie. Vous avez des âmes de poètes et la richesse des princes. » « Mais il nous faut venir à Paris afin de trouver de belles choses pour nos femmes. »« Prenez garde toutefois d'aller trop loin, monsieur Bannon. »« Trop loin? Comment cela ?»« Vous pourriez attirer l'attention du loup solitaire. On dit qu'il est de nouveau en quête. » L'Américain eut un rire quelque peu méprisant. Les doigts de Lagnard se contractèrent sur son couteau et sa fourchette. À part cela, il ne laissa rien voir. Un coup d'œil oblique, dans une glace placée à son côté, lui montra Roddy, toujours absorbé dans son Daily Mail. La jeune fille se pencha en avant avec un air de vif intérêt. « Le loup solitaire, qu'est-ce que cela ? » ?»« Vous ne le connaissez pas en Amérique, mademoiselle ?»« Non. »« Le loup solitaire, ma chère Lucia, » expliqua le valétudinaire d'un ton pince sans rire, « est le sobriquet attaché par quel imaginatif reporter français à un célèbre criminel qui, paraît-il, s'est rendu ici une sorte de fléau en ces dernières années. Personne ne sait rien de précis à son sujet. » Apparemment, mais il opère d'une façon très originale et donne du fil à retordre à la police en lui laissant deviner où aura lieu son prochain coup. La jeune fille exhala une exclamation d'incrédulité. « Mais si fait, je vous jure !» protesta de Morbihan. Le bandit a eu jusqu'ici une carrière étonnamment heureuse, grâce à son absence de confédéré et parce qu'il limite ses rapts aux bijoux et valeurs analogues, peu encombrantes et faciles à convertir en numéraire. Pourtant, ajouta-t-il avec un grave hochement de tête, on ne craint pas de prédire qu'il arrive au bout de sa course. « Pas possible !» s'écria le vieillard. « A-t-on relevé sa piste, enfin ?»« On sait qui il est !» affirma de Morbihan. À cette heure, la conversation avait fini par attirer la curiosité de plusieurs garçons inoccupés qui écoutaient bouche bée. Roddy lui-même semblait un peu ému, et pour une fois, il oublia de manœuvrer son journal, mais son regard étonné allait au sol de Morbihan. Lagnard déposa couteau et fourchette, avala une dernière gorgée de haut-brion et alluma sa cigarette d'une main ignorant la nervosité. « Garçon » appela-t-il placidement, et il commanda du café et des cigares avec une liqueur ensuite. « On sait qui ? » s'exclama l'Américain. « On l'a attrapé alors !»« Je n'ai pas dit cela, » dit de Morbihan en souriant, « mais le mystère n'existe plus, en certains lieux. »« Qu'est-ce donc ?» « Cela, vous m'excuserez, monsieur, mais je ne suis pas encore autorisé à le dire. Même, je suis peut-être indiscret d'en avoir tant dit. Mais, entre amis... » Son haussement d'épaule donnait à entendre qu'en ce qui le concernait, les garçons n'étaient pas des êtres humains et que les autres dîneurs de l'établissement ne comptaient pas. « Mais, » insista l'Américain, « peut-être pouvez-vous nous apprendre comment on a été mis sur sa piste. » Ce n'était pas difficile, c'est même très simple. Ce ton de modestie convient, car ce fut moi qui suggérais la solution à mon ami le chef de la sûreté. Il était ennuyé et démoralisé. Il avait même parlé de donner sa démission, vu son impuissance à en finir avec ce citoyen de loup solitaire. Et, comme il est mon ami, je me tourmentais aussi, et j'employais mes faibles talents, de telle sorte que je découvris enfin une idée qui nous procura de la lumière. « Vous ne voulez pas nous raconter ?» protesta la jeune fille avec une moue de reproche. tandis que le Français se taisait avec affectation. Sans doute, je ne le devrais pas, mais après tout, pourquoi pas? Comme je vous l'ai dit, ce n'était qu'un raisonnement élémentaire, une simple affaire de déduction logique et d'élimination. On supposa que le loup solitaire devait être un homme, d'une certaine sorte, après quoi il ne restait plus qu'à fouiller la France pour découvrir l'individu correspondant à l'hypothèse et puis le surveiller jusqu'à ce qu'il se trahît. « Vous ne vous figurez pas que nous allons nous laisser vous arrêter là ?» fit l'Américain d'un ton fâché. « Vraiment, je dois continuer. Très bien. » Ma réussite m'inspire, je l'avoue, quelques petites fiertés. C'était un haut fait, car il est malin celui-là. De Morbihan se tut et se tourna un peu de biais sur sa chaise, avec une grimace d'enfant malicieux. Par cette manœuvre, grâce à la disposition des miroirs garnissant les murailles, il pouvait maintenant voir indirectement Lagnard. Ce dernier s'en aperçut, mais son expression ne changea pas, tandis qu'il restait, sans quitter Roddy du coin de l'œil, à se demander si De Morbihan disait vrai ou s'il se vantait à seule fin de se faire valoir. « Continuez, je vous en prie !» supplia gentiment la jeune fille. « Je ne puis rien vous refuser, mademoiselle. Eh bien, de ce peu que l'on savait sur ce mystérieux personnage, on conclut vite qu'il devait être célibataire et sans amis intimes. Vous me suivez, je pense. « Trop fort pour moi, mon cher, avoua le vieillard. « La discrétion absolue, commenta le comte, doctoral, et s'amusant beaucoup. Ce n'est pas possible dans les relations humaines. Tôt ou tard, on en est réduit à partager ses secrets, même involontairement, même inconsciemment, avec une femme, une maîtresse, un enfant ou un ami intime. Et un secret partagé entre deux individus est une source abondante de mots. Étant donné ce raisonnement, il s'ensuit de toute nécessité que le loup solitaire est aussi bien sans femme que sans aucun ami. Au nombre de ses autres attributs figureront évidemment la jeunesse, le courage, l'imagination, une intelligence supérieure et une position sociale, disons plutôt une occupation visible, lui permettant de voyager à volonté, de-ci de-là, sans soulever de commentaires. Parfait jusque-là. Mon ami le chef de la sûreté confia donc à ses agents la mission de rechercher quelqu'un répondant à ce signalement. Grâce à moi, plusieurs beaux poissons furent pris dans la nasse de la filature, scrupuleusement pistés et lâchés l'un après l'autre. Tous, sauf un, le vrai coupable. Celui-ci, on l'a surveillé comme il le faut, le suivant d'un bout à l'autre de l'Europe, aller et retour. Il était à Berlin au moment du fameux vol Reinhardt, bien qu'il accomplisse ce coup sans se faire pincer. Il était à Vienne, quand l'ambassade britannique y fut cambriolée, mais il échappa, grâce à une ruse habile, et réussit à se débarrasser de son butin avant que les agents de la sûreté fussent capables de lui mettre la main dessus. Dernièrement, il était à Londres, et là, il a fait la cour aux diamants d'une dame de la haute et s'est enfui avec eux. Vous avez entendu parler de Madame Humbert, n'est-ce pas ? À ce moment, la physionomie de Roddy exprima clairement que si le nom de Madame Humbert n'était pas nouveau pour lui, il trouvait au moins des plus surprenants les nouvelles la concernant. La bouche béante de stupéfaction, peinte dans ses yeux bleus, il ne dissimulait pas son ébahissement. Lagnard pinça délicatement le petit bout de son cigare, puis l'humecta et l'alluma sans le moindre tremblement. Son cerveau, toutefois, travaillait activement et s'efforçait de déterminer si De Morbihan disait cela en guise d'avertissement ou s'il se bornait à raconter une fable divertissante basée sur des informations rapides et amplifiées par une riche imagination. Car à cette heure, les détails de l'affaire Humbert avaient sans doute fait vibrer main fil télégraphique du continent. « Si, j'ai entendu parler de Madame Humbert, comme de juste, » acquiesça l'Américain pensif. « Tout le monde connaît l'existence de ces merveilleux bijoux, et une merveille plus grande encore, c'est que le loup solitaire et négliger une tentation semblable aussi longtemps qu'il l'a fait. C'est bien vrai, monsieur. Et on l'a pris sur le fait, alors ? Pas précisément, mais il a laissé un indice, et il a quitté Londres avec une telle précipitation qu'il semble avoir compris que son habileté a eu pour une fois une défaillance. Alors, on le pincera bientôt ? Ah, monsieur, je n'ai pas le droit de vous en dire davantage, protesta De Morbihan. Soyez assuré que le chef de la sûreté a dressé ses batteries, et cela si habilement que notre insociable bandit se fera, je pense, bientôt des relations dans la prison de la santé. Mais l'heure est venue de nous quitter, je le regrette, une aussi agréable soirée. » Un garçon, tel un prestidigitateur, tira l'addition de quelques recoins de sa veste et la servit sur une assiette à l'américain. Un autre courut appeler le chasseur. Roddy attacha de nouveau son regard sur le Daily Mail. La société se leva. Lanyard vit Bannon, au lieu de régler l'addition, y apposer sa signature, ce dont il conclut que l'américain logeait aussi chez Troyon. Et l'aventurier était en train de s'étonner que quelqu'un de ce genre fréquentât cet établissement, de préférence au moderne palace de la rive droite, lorsque De Morbihan, affectant de reconnaître pour la première fois Lanyard, s'élança à travers la salle, les deux mains tendues, et avec un cri de joyeuse surprise, médiocrement justifié par leur relation plutôt superficielle. « Ah ! » s'exclama-t-il avec effusion. « Voici Monsieur Lanyard, le grand connaisseur en matière de peinture. La rencontre est admirable, mon cher. Elle me fait un plaisir extrême. Mais venez, je veux vous faire connaître mes amis. » Et, étreignant les mains de Lanyard, qui se levait sans grand enthousiasme pour répondre à cet accueil plus qu'exubérant, il le tira bon gré mal gré de derrière sa table. « Et vous êtes américain aussi. Pas de doute, il faut que vous vous connaissiez. Mademoiselle Bannon, mon ami, Monsieur Lanyard, et Monsieur Bannon, un vieil et cher ami, passionné comme vous pour les merveilles de l'art. » Lanyard, en serrant la main de l'américain, la trouva froide, glacée, et quand leurs yeux se rencontrèrent, l'abominable toux ressaisit sa victime, comme par la peau de la nuque, et la secoua férocement. Avant qu'elle eût cessé, le visage de Bannon était devenu pourpre, et il haletait, n'en pouvant plus. Monsieur Bannon, expliqua De Morbihan, par phrases entrecoupées, c'est tout à fait désolant. Je lui répète qu'il ne devrait pas séjourner à Paris en cette saison. Ce n'est rien, interrompit brusquement l'Américain entre deux quintes. Mais notre climat d'hiver, monsieur, il ne vaut rien, même pour des gens en bonne santé. C'est moi qui ne vaut rien, lança Bannon en appliquant son mouchoir sur ses lèvres. Je ne mérite pas de vivre, compléta-t-il rageusement. Lanyard murmura quelques mots de vagues condoléances. Cependant, il sentait peser sur lui le regard de la jeune fille. Les doux yeux bruns rencontrèrent le sien franchement, avec un air de curiosité naïve, dépourvu d'effronterie aussi bien que d'ironie. Et si elle se détourna la première, ce fut avec une expression de curiosité satisfaite, sans trace d'humiliation. Et l'aventurier se sentit en quelque sorte jaugé, classé, catalogué. Mi-intrigué, mi-agacé, il continua de la dévisager pendant que le vieil Américain reprenait haleine et que De Morbihan babillait avec une volubilité inlassable. Et cet examen plus approfondi lui révéla dans les traits de la jeune fille une maturité de pensée supérieure à son âge apparent, que Lanyard évaluait un peu trop, et il y vit aussi la trace d'une fugitive et aimable pensivité, avec un rien de mélancolie résignée. « Nous allons jeter un coup d'œil à Montmartre, » expliqua De Morbihan. « Monsieur Bannon et moi. Il n'a plus revu Paris depuis 20 ans, me dit-il. Eh bien, ce sera drôle de lui montrer quels changements se sont produits dans tout ce temps-là. Il est regrettable que mademoiselle soit trop fatiguée pour nous accompagner. Mais vous, mon cher, si vous vouliez consentir à faire notre troisième, ce serait bien gentil de votre part. » « Je regrette, » s'excusa Lanyard, « mais comme vous le voyez, je ne fais que débarquer après un long et fastidieux voyage. Vous êtes bien bon, mais... »« Bon, dites-vous ? » s'exclama De Morbihan avec force. « Bon, moi ? Au contraire, je suis fort égoïste. Je ne cherche qu'à me procurer le plaisir de votre société. Vous menez une vie si active, mon cher, parcourant toute l'Europe, ici un jour, Dieu sait où le lendemain, qu'on doit profiter de vos moments de loisir. Vous nous accompagnez, bien entendu. Véritablement, je ne puis ce soir. Une autre fois, peut-être. Vous m'excuserez. Allons, c'est toujours la même chose, déclara De Morbihan à ses amis, en affectant beaucoup d'indignation. Une autre fois, peut-être. Son excuse invariable. Il n'y a pas, je vous assure, deux hommes dans tout Paris qui soient vraiment en relation avec ce monsieur que tout Paris connaît. Sa réserve est devenue proverbiale. Distant comme Lanyard, disons-nous sur les boulevards. Et, se tournant derechef vers l'aventurier, qui soutint son regard sans broncher, De Morbihan continua. « Comme vous voudrez, mon cher, mais au cas où vous changeriez d'avis, vous n'aurez pas de peine à nous trouver. Demandez après nous dans n'importe quelle boîte de la tournée habituelle. Nous ne nous voyons pas assez, monsieur, et j'ai le plus vif désir de bavarder un peu avec vous. » J'en serais fort honoré, riposta Lanière avec politesse. Mais en lui-même, il rêvait de mettre à mort son interlocuteur par divers moyens plus féroces les uns que les autres. Que voulait dire cet homme? Que savait-il? S'il savait quelque chose, ses mauvaises intentions étaient sûres, car il ne pouvait ignorer la nature de la mission de Roddy, ni que chaque nouvelle parole qu'il prononçait tendait à augmenter chez ce dernier le soupçon que Lanière pourrait bien être le loup solitaire, ni que Roddy écoutait de toutes ses oreilles et même regardait de tous ses yeux. Décidément, il fallait faire quelque chose pour museler cet animal, dans le cas où, par hasard, il serait vraiment quelque chose. Ce fut seulement après une profonde méditation sur son verre de liqueur, Roddy dévorait toujours son Daily Mail et l'arrosait d'une troisième bouteille de Stout, que Lanière appela le maître d'hôtel et demanda une chambre. Il était parfaitement inutile d'aller ailleurs pour cette nuit et de préciser les doutes du détective. Mais, heureusement, Lanière connaissait mieux que personne la rabouillère qu'était la maison Troyon. Si les circonstances lui semblaient exiger un départ matinal, Roddy aurait de la peine à le retenir.